Les centrales nucléaires jettent des saloperies dans l'atmosphère. Pour faire de l'électricité, on a besoin de polluer. Il faut sauver l'environnement, c'est super important. Pensez dans 20 ans, que vont faire nos enfants? Plein d'éoliennes, qu'elles envahissent le ciel qui en est sur tous les horizons. Arrêtez le nucléaire pour de bon, qu'on fasse pousser des éoliennes partout dans chaque plaine, partout qu'on puisse pouvoir les admirer tourner. Un jour elles nous feront respirer. Les